parle des ombres. Le jour se lève, encore une fois. Sous la plume de mon stylo, je vois que la lune s'est éteinte. Chassé par les craintes, résonne dans le ciel le chant des plaintes. Vision d'horreur sur un monde en couleur, où souvent le rythme de la vie n'apprécie que les douleurs. Beaucoup de corps paraissent encore endormis. Viennent les premières lueurs qui rappellent la chaleur de la nuit. Et toutes ces guerres ont ranimé des flammes. L'odeur de la mort plane, emportant hommes, enfants et femmes. Sous les poussières, on aperçoit des ruines ou des restes de passage de ces familles destinées à l'exil. De lourds pillages ont séquestré des innocents. Beaucoup de viols ont laissé des draps nappés de sang. Des yeux se sont ouverts, des survivants de la misère. Mais sur le sol reste encore beaucoup de corps inertes. Le jour qui passe a laissé son message. Mais quel est-il pour ces familles? Est-ce un bon ou un mauvais présage? Passage de la pluie qui s'anime, éteint les dernières braises dans son sillage. Des impacts de balles sur les murs, de longues séquences, des images de torture. Beaucoup de corps sont entassés, à même le sol, le son d'une cloche retentit. Les âmes s'envolent, les villes sont pillées, les derniers résistants fusillés. Même en suppliant les officiers, personne ne serait épargné. Ceux qui dirigent le monde en oublieraient les peuples. Et pourtant, tous ces hommes sont les seuls à subir ces épreuves. À qui la faute? Qui est-ce qui peut réparer ça? Parce qu'à mon goût, la morsure de la mort me paraît sale. Et tous ces hommes qui prétendent au pouvoir, mais toutes ces familles s'en foutent, elles veulent vivre sans histoire. Alors pourquoi les faire souffrir? Parce que dans la bouche d'un dirigeant, c'est moins de bouches à nourrir. Le soleil vient réchauffer les tombes près d'une école. Les élèves ont crevé sous les bombes. Les casques bleus emportent un corps dans une civière. Les locaux usés de la Croix-Rouge ont pris place près du cimetière. Au loin le bruit d'un hélicoptère. Le jour qui s'est levé voit l'arrivée des médecins sans frontières. Un garde journaliste vient d'envahir les lieux. Des rescapés se jettent à terre pour mieux prier Dieu. Seul au milieu des corps, ma plume demande encore: comment se fait-il qu'il y ait eu autant de morts? Et sur les visages de ceux restés en vie, on peut lire: ce soir je ne passerai pas la nuit. Et le jour se lève encore, encore. H-A-L-T-E-S, la balle des ombres. La guerre n'a pas de limite, le jour se lève encore. H-A-L-T-E-S.